chat. Comme ton papa. Prends des produits laitiers. Du lait et du fromage. Dans le poulailler du poisson. Des haricots et des œufs. D'autres aliments apportent du plaisir. Mais consomme-les avec modération. Suis le guide alimentaire canadien. Bon, après ça, tu iras te coucher, il y a un beau petit bon film à télévision.